débordés, les bordels escortés. Dans la rue c'est pandémie, bordélique, prendre des ombroliques poulets. En liaison épidémie, de la grippe en pulsion. Massacre comme personne entend nos cris émis. Même un diable coule sans permis, dans mon sac je me permets. Ceux du pur son, dénigrer leurs faits et ses gestes. Immigrés, fiers de l'aide dans la tête, mig, leurs paillettes, rituel stress. Incarcération de nos mal-être, une matrice montaise. Pour automatisme, la foutaise de bitume, la parenthèse est close. Sinistrose et leur prose, les parents pèsent en larmes. C'est à la mort, elle lit partout. Dans le stress, deviennent indolents. Les flics, les CRS au volant, nos ruelles violentes, cruelles, leur violence. Avant de m'éteindre, je mangerai bien un œuf de poulet. Dans la foulée, race maudite, détruisent nos vies. La crainte, la prison traîne dans nos villes. Les plaintes de trahison sont corrosives, mal polies, intransigeants envers la police. Race maudite, détruisent nos vies. La crainte, la prison traîne dans nos villes. Les plaintes de trahison sont corrosives, mal polies, intransigeants envers la police. Personne sait si j'ai bravé la loi. Aucun keuf pourra savoir si le crime est ma voie. Du képi à la douane, sentier pris, je mets le doigt. L'honneur devant le car, du CRS faut le voir. Menaçant au flashball, disant que c'est son devoir. Tu passes un pack d'eau quand les flics cesseront de boire. Peut-être qu'ils cesseront de croire que les arabes et les noirs dans les cités dortoirs en réalité ne dorment pas. T'es mes chaînes pour des menottes, je t'élimine. Quand un keuf, un poulet crève, c'est ma rage qui diminue. Je vais pas passer dans le 6 minutes. En bonus, dans les faits divers, si je dois buter un flic, c'est du propre, c'est du prédit. Souvent au bord du racisme, ça pousse à ma déracine. Perquise nous fout à terre comme Materazzi. Pas de mathématiques, au compteur zéro flic. C'est en enfer que tout se paie et que les poulets rôtissent. Race maudite, détruisent nos vies. La crainte, la prison traîne dans nos villes. Les plaintes de trahison sont corrosives, mal polies, intransigeants envers la police. Race maudite, détruisent nos vies. La crainte, la prison traîne dans nos villes. Les plaintes de trahison sont corrosives, mal polies, intransigeants envers la police. En langage administratif, on dit incident de police. L'actualité des dernières semaines montre que ceux-ci ont tendance à se multiplier et plus trivialement et sans doute plus proche de la réalité, c'est le mot bavu qui est utilisé. C'est le mot bavu qui est utilisé. Race maudite, détruisent nos vies. La crainte, la prison traîne dans nos villes. Les plaintes de trahison sont corrosives, mal polies, intransigeants envers la police. Race maudite, détruisent nos vies. La crainte, la prison traîne dans nos villes. Les plaintes de trahison sont corrosives, mal polies, intransigeants envers la police.